Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Eman. Dai Hachiwa. Une fois que j'y serai, je saurai que je suis arrivé. Plus tu entres en rapport avec les choses, plus tu prends conscience de leur sens. Si tu vas trop loin, tu risques de te perdre et tu auras du mal à retrouver ton chemin. Quand on commence à s'éloigner, ça s'arrête pas. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Huitième épisode. Je préfère ne pas retourner à l'hôtel. Mieux vaut être prudent. Après tout, tu ne sais toujours pas ce que tu as fait durant ces 4 heures où tu étais évanoui. Oui. Il faut que je trouve à nouveau un toit d'ici le coucher du soleil. Tu décides de commencer par aller à la bibliothèque Komura, comme d'habitude. Oui. Je me dis, sans bien savoir pourquoi, qu'il s'y passera bien quelque chose. Une intuition comme ça. Et c'est ainsi que le destin t'entraîne dans une direction de plus en plus étrange. Au chemin Sand, mm-hmm. J'ai un petit problème. Et vous êtes le seul à qui je puisse en parler. Ce serait un peu long de vous expliquer pourquoi, mais j'ai pas d'endroit où dormir ce soir. J'ai un sac de couchage avec moi. J'ai pas besoin de lit ni de matelas. Si j'ai un toit au-dessus de ma tête, ça me suffit. N'importe quel endroit fera l'affaire. Vous auriez pas une idée ? Je devine que les hôtels ou les auberges ne rentrent pas dans la catégorie que tu viens de me décrire ? Absolument. Mmh. La question économique entre aussi en jeu. Mais surtout, je voudrais éviter d'attirer l'attention sur moi. Tu veux dire l'attention de la brigade des mineurs ? Par exemple. Tu n'as qu'à dormir ici ? Ici ? À la bibliothèque ? Ah, oui. Mais un toit et des pièces libres que personne n'utilise la nuit. Mais on a le droit de faire ça ? Moyennant quelques arrangements, ça devrait être possible. En tout cas, c'est pas impossible. Je vais m'en occuper. Mais de quelle manière ? Tu aimes les bons livres et tu es capable de réfléchir par toi-même. Tu as l'air costaud physiquement. Tu as l'esprit indépendant. Tu mènes une vie régulière. Tu as de la volonté. Je vais demander à Mademoiselle Saiki de t'engager comme mon assistant. Et négocier pour toi l'autorisation de dormir dans la pièce libre de la bibliothèque. Moi ? Votre assistant ? Tu n'auras pas grand-chose à faire. En gros, tu m'aideras à ouvrir et à fermer la bibliothèque, et tu pourras lire tous les livres que tu veux. Ça serait pas mal, n'est-ce pas ? C'est sûr. Mais Mademoiselle Saiti donnera jamais son consentement. J'ai que 15 ans, je suis en fugue, et elle connaît même pas mon identité. Mademoiselle Saiti est... Comment dire ? Elle n'est pas ordinaire, voilà. Pas ordinaire ? Pour dire les choses simplement... Elle ne raisonne pas selon les critères habituels. C'est une personne spéciale, vous voulez dire ? Pas exactement. C'est plutôt moi qui suis spécial. Elle, elle ne se laisse pas prendre au piège des apparences, voilà tout. Ouais. On ne peut pas te laisser dormir ici ce soir sans la prévenir. Je vais t'emmener ailleurs pour 2 ou 3 nuits, jusqu'à ce que la décision soit prise officiellement. Ça ne t'ennuie pas ? C'est un peu loin, mais... Mais ça fait rien. On ferme à 5 heures. On prend le temps de tout ranger, et ensuite, je t'emmène là-bas en voiture. Merci. Tu me remercieras quand on sera arrivé, tu risques d'être surpris. C'est un camion frigorifique, il pue le poisson. Ça vous fait rien ? Nakata aime beaucoup le poisson. T'es pas ordinaire, toi, au moins. Oui, on me le dit parfois. Moi, j'aime bien les gens bizarres. Je me méfie des gens normaux qui mènent une vie normale. Ah, vraiment ? Ouais, c'est ma façon de voir. Chacun son opinion, non? Nakata n'a pas tellement d'opinion personnelle, mais il aime l'anguille. Ben voilà une d'opinion. L'anguille, c'est une opinion? Ouais. Dire que tu aimes l'anguille, ça c'est une sacrée opinion, mon vieux. Au fait, jusqu'où veux-tu aller? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, mais une fois que j'y serai, je saurai que je suis arrivé. T'es vraiment pas ordinaire, toi. En fait, je m'appelle Agita. Enchanté, monsieur Agita. Je m'appelle Nakata. Nakata. Eh bien, monte, Nakata. Allez. Oshima-san, où allons-nous? Kochi. Tu connais? Non. C'est loin? À environ 2h30. Ça vous dérange pas de faire une aussi longue route pour moi? Non, il suffit de rouler droit devant. Le soleil n'est pas encore couché et j'ai fait le plein d'essence. Oshima-san, vous aimez conduire? Le médecin m'a interdit les sports dangereux. Pour compenser, je conduis. Un genre de transfert. Vous avez des soucis de santé? J'ai une maladie qui a un nom compliqué. Disons que c'est une sorte d'hémophilie. Tu as entendu parler de cette affection? En gros, oui. On nous en a parlé en cours de biologie. Quand on commence à saigner, ça s'arrête pas. Les gens saigneront. Et toi aussi, tu saigneras. Exactement. Un sang chaud et rouge coulera. Mais il y a toutes sortes d'hémophilies et la forme que j'ai est assez rare. C'est pas si grave. Il faut juste que je fasse attention de ne pas me blesser. Et si jamais je me mets à saigner, il faut que je fonce à l'hôpital. Ce sera ton sang et le sang des autres. C'est pour cette raison que je ne pars jamais en voyage. Oh, ça ne me dérange pas trop, je n'ai jamais tellement aimé les voyages ni le sport. Pour cuisiner, c'est un peu gênant. Je peux pas faire de vraie cuisine en utilisant les couteaux à découper, par exemple. Et je le regrette. Conduire est aussi une activité risquée. Mais c'est pas le même genre de risque. Je conduis toujours assez vite, alors si j'avais un accident, ce serait pas juste une coupure au doigt. Je vois. Ah, mais t'inquiète pas. Nous n'aurons pas d'accident, je suis très prudent et je ne prends pas de risques inutiles. Et puis, le jour de ma mort, je préférerais être seul. Tranquille. Mourir en emmenant quelqu'un avec vous fait pas partie de vos options. Non, effectivement. Et amis routiers, souvenez-vous que les camions Soupir sont les seuls camions équipés de sièges Louis XVI à pied galvé. Et maintenant, amis routiers, un peu de musique. Dis Nakata, comment tu vois l'avenir de ce monde, toi? Excusez-moi, mais Nakata n'est pas très intelligent et ne comprend rien à ce genre de choses. Avoir sa propre opinion, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la bêtise. Pourtant, monsieur Agita, être idiot, ça empêche de réfléchir. Mais tu aimes l'anguille, non? Oui, c'est un des plats favoris de Nakata. Tu vois, là, tu t'impliques. Ah? Est-ce que tu aimes le riz aux œufs ou au poulet? Ça aussi, c'est un des plats préférés de Nakata. Ah, là encore, tu t'impliques. Et c'est à force de s'impliquer comme ça dans de petites choses que tout prend sens naturellement. Plus tu entres en rapport avec les choses, plus tu prends conscience de leur sens. Ça peut être l'anguille, le riz aux œufs et au poulet, le poisson grillé, n'importe quoi. Tu saisis? Pas très bien. Il y a un lien entre le fait que Nakata aime l'anguille et le fait qu'il aime le riz aux œufs et au poulet? Ma foi, on peut dire ça comme ça. Il y a toujours un lien entre toi, Nakata, et les choses auxquelles tu t'intéresses. Et en même temps, il y a un lien entre l'anguille et le riz au poulet. Et ce réseau de liens s'étend au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un lien s'établisse tout naturellement entre toi et le capitalisme, entre toi et le prolétariat. Le prolétariat. Les gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front, comme moi. C'est ça, le prolétariat. Et de l'autre côté, il y a ceux qui restent assis dans leur fauteuil sans lever le petit doigt, qui donnent des ordres aux autres et gagnent 100 fois plus qu'eux. Ce sont les capitalistes. Nakata ne sait pas grand-chose des capitalistes. Il est pauvre et ne sait pas comment vivent les gens importants. Il reçoit une pension tous les mois. Et puis, les gens lui font de petits cadeaux. parce qu'il retrouve les chats perdus du quartier. Waouh ! Un chercheur de chats professionnel ? Tu me bluffes, toi. Tu es vraiment unique en ton genre. À vrai dire, Nakata sait parler avec les chats. C'est ce qui me permet d'en retrouver pas mal. Je vois. Ça ne m'étonne pas de toi. Mais tout récemment, Nakata s'est aperçu qu'il ne comprenait plus leur langage. Je me demande bien pourquoi. Le monde change tous les jours, mon vieux. L'heure venue, la nuit s'achève et le jour se lève. Et le monde que tu vois n'est plus le même que la veille. Tu n'es plus le même Nakata que la veille. Tu saisis ? Ça ne te dérange pas si je mets de la musique ? Non. J'aime bien écouter les sonates pour piano de Schubert, avec le volume à fond. Sais-tu pourquoi ? Non. Parce que réussir à bien jouer les sonates pour piano de Franz Schubert est une chose des plus difficiles. Spécialement cette sonate en fa mineur. Pas une seule interprétation dont on puisse dire « Ah, là, c'est parfait. » Et sais-tu pourquoi ? Je sais pas. Parce que les sonates elles-mêmes sont imparfaites. Et pourquoi écoutez-vous les sonates de Schubert en conduisant ? Un sens de l'imperfection, s'il est artistique. Intense, stimule ta conscience, maintient ton esprit en alerte. Mais si j'écoute l'interprétation parfaite d'un morceau parfait en conduisant, je risque de fermer les yeux et d'avoir envie de mourir dans l'instant. Mais quand j'écoute attentivement cette sonate, je peux entendre les limites de ce que les humains sont capables de créer. Je sens qu'un certain type de perfection peut être atteint avec humilité à travers une accumulation d'imperfections. Personnellement, je trouve ça plutôt encourageant. Tu comprends ce que je veux dire ? Un peu. Quand vous disiez que vous étiez quelqu'un de spécial, Oshima-san, vous faisiez allusion à votre hémophilie ? Oui. Mais c'est pas tout. Et il y a autre chose. L'endroit où nous allons est au milieu de la montagne. On ne peut pas dire qu'il soit très hospitalier. Il n'y aura sans doute personne le temps de ton séjour. Et il n'y a ni radio, ni télévision, ni même de téléphone. Ça ne te dérange pas ? Non. Tu as l'habitude de la solitude, mais il y a différentes sortes de solitude. Peut-être que tu n'imagines pas celle que tu vas vivre là où nous allons. Quel genre de solitude ? Indicible. De toute façon, tu la ressentiras à ta manière à toi. Je te laisse là, Nakata. Nous sommes à Fujigawa, sur l'autoroute Tokyo-Nagoya. Tu trouveras facilement une voiture ici. Si tu fais le tour des chauffeurs, il y en aura bien un pour t'amener. Nakata vous remercie de votre aide, monsieur Agita. Et sois prudent, mon vieux. Fujigawa. Nakata n'a aucune idée d'où se trouve cet endroit, mais il sait que depuis qu'il a quitté Tokyo, il s'est dirigé vers l'ouest. Il suffit maintenant de trouver une voiture allant dans cette direction. Bonsoir, monsieur. Je voyage vers l'ouest. Auriez-vous une place pour moi dans votre camion ? Ah non, désolé. La compagnie nous interdit de prendre des autostoppeurs. pourquoi ces jeunes gens crient-ils tous comme ça? Ils ont peut-être trouvé un trésor. Hé Pépé, va t'en voir là-bas si j'y suis. Il saigne, il va mourir si vous le laissez comme ça. Dis donc Pépé, fiche le camp si tu veux pas y passer toi aussi. Zigouiller un ou en zigouiller deux, c'est pas plus compliqué. On ne tue pas les gens sans raison. Le monde est un endroit très violent, vous savez, monsieur Nakata. On ne tue pas les gens sans raison. Personne ne peut échapper à la violence. On a nos raisons, t'en fais pas. Qu'on tue ou non, c'est pas tes oignons. Allez, reprends ton pébroc et fiche le camp avant qu'il se mette à pleuvoir. Nakata doit fermer les yeux. Nakata sent quelque chose commencer à enfler en lui. Il faut me tuer sans hésiter, avec peur et avec haine. D'abord, tu as peur de moi. Ensuite, tu me détestes. Et finalement, tu m'assassines. Quelque chose d'incontrôlable. C'est ça. Très bien. Frotte-moi sans hésiter. Bravo. Nakata a la nausée. Il est marrant, si tu veux regarder. Il a vraiment ouvert son pébroc, dis donc. On s'en met. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui tombe du ciel? Ah, mais regardez, c'est pas de la pluie. C'est... Ah, on dirait de la neige noire. C'est quoi ces trucs noirs, là? Ah, mais non, ça colle à la peau. Des sangsues. C'est pas les trucs qui font ça. Souvent ici, Oshima-san ? Je venais. Maintenant, j'ai du travail et je n'ai plus trop le temps. Bienvenue chez moi. C'est assez primitif, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a ni eau, ni électricité. Même pas de toilette. Ce terrain appartenait à mon grand-père. Quand il est mort, il y a une dizaine d'années... Mon frère et moi avons hérité de ce bout de forêt. Quand j'avais ton âge, j'ai séjourné à plusieurs reprises ici, seul. Je ne voyais personne, je ne parlais à personne. Ces moments ont été des expériences pleines de sens. Et j'ai pu lire un tas de livres. Et j'ai eu le temps de réfléchir par moi-même. À vrai dire, pendant une longue période, je ne suis pas allé à l'école. Je n'aimais pas l'école et elle ne semblait pas m'aimer beaucoup non plus. Sans doute parce que j'étais, d'une certaine façon, différent des autres. Par pure compassion, ils m'ont donné mon diplôme à la fin du collège. Et ensuite, je me suis débrouillé. Un peu comme toi en ce moment. Je te l'avais déjà dit, non? C'est pour ça que vous êtes aussi gentil avec moi? En partie. Ah, c'est pas la seule raison. Comme tu peux le constater, ça n'a rien d'une retraite de montagne romantique. Hein. Mais si tu aimes la vie simple, tu te sentiras parfaitement à ton aise. Je dois aussi te recommander de ne pas t'aventurer trop loin dans la forêt. Elle est vraiment profonde et il n'y a pas de sentier. Si tu vas trop loin, tu risques de te perdre et tu auras du mal à retrouver ton chemin. Je reviendrai te chercher dans 2 ou 3 jours. Tu as assez de nourriture pour tenir jusque-là. Tu as un téléphone portable? Oui, celui de mon père. Tu ne pourras pas l'utiliser, il n'y a pas de réseau. Tu ne peux pas écouter la radio non plus. Autrement dit, ici, tu es complètement isolé du monde. Tu auras le temps de lire. Où est-ce que je ferai mes besoins s'il n'y a pas de toilette? Toute cette forêt est à toi. Tu peux choisir l'endroit que tu veux. Thank you. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. Huitième épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima. Et les voix de Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Miglen Mirtchev, Benoît Marchand, Henri-David Cohen, Arnaud Pfeiffer, Clément Aubert, Chantal Galliana. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.